Pour tourner à gauche, je céderai le passage. À gauche, réponse A. À droite, réponse B. En face, réponse C. À personne, réponse D.